c'est l'âge de penser qu'on est tous égaux. Mes billets froissés paraissent tous légaux. Le mal n'arrive pas seul comme un shoot d'héros. À penser naïvement qu'on connaît toutes les go. J'ai passé l'âge de pas savoir ce que c'est d'aimer. Derrière l'orage, y'a vos étoiles et je les vois toutes briller. On prend des leçons quand c'est l'école qu'on a bafoué. De toute façon, je voulais pas faire ce qu'on a pas fait. C'est fini le temps de penser que par le portefeuille. Car c'est l'argent facile qui vient me porter l'œil. On peut pas remplacer les heures de recueil. Car ni de basse ni de farid j'ai pu supporter le deuil. J'ai passé l'âge de penser que j'arrêterai de rimer. J'apprends à rester sage devant un tas de billets. La prod je l'opère mettez les tabliers. Si le rap conscient se perd à quoi je vais m'affilier. J'ai passé l'âge de penser qu'on peut cicatriser. Que les blagues racistes finissent en quatrième. Qu'avec le diable jamais je pactiserai. Mais je partisais quand j'ai les batteries faibles. Crois-moi j'ai passé l'âge de faire des bonnes actions. Guetter à droite pendant les transactions. À rester calme même quand l'orage gronde. Que l'argent se détourne que dans des grands sacs sombres. J'ai passé l'âge de revendiquer d'où je viens. Je reviens de loin et ça sera peut-être pour rien. De nos jours dans le quartier capuché gants. C'est les plus jeunes qui vont te braquer c'est plus les grands. Arrêtez de croire qu'on ira tous au paradis. Qu'on guérit toutes les plaies avec de la paraffine. Qu'aucune séparation ne pouvait me faire vriller. Qu'on peut lui dire je t'aime qu'à 14 février. Fini de penser que je serai moins fort qu'un autre. Pourquoi le dealer fait le bonheur d'un pauvre. Certains poteaux coulaient par ma faute. Et qu'au final chaque effort était sûrement un trop. J'ai arrêté de penser qu'on se ferait tous confiance. Que la vérité est aussi douce que nos plantes. C'est fini d'écouter mon subconscient. Car au final, quand rien ne va, c'est dans le sub qu'on se lance. Arrêtez de croire que les plaies viennent d'une lame. Qu'un créancier n'avait pas peur d'une balle. Et les rumeurs, tout ça, je les calcule pas. Ils t'appellent tous le sang car c'est que des Dracula. Que mon passé pouvait s'entériner. Que les tricheurs n'étaient qu'en série B. Que c'est normal de finir incarcéré. Et qu'un sourire masquerait mon cœur serré. J'ai passé l'âge de penser qu'on peut cicatriser. Que les blagues racistes finissent en quatrième. Qu'avec le diable jamais je pactiserai. Mais je partisais quand j'ai les batteries faibles. Crois-moi j'ai passé l'âge de faire des bonnes actions. Guetter à droite pendant les transactions. À rester calme même quand l'orage gronde. Que l'argent se détourne que dans des grands sacs sombres.